Il y en a encore combien à voir là, en fait. Je commence à me fatiguer là, cette journée là. Qu'est-ce qu'on encore ce connard là-bas à voir là, avec sa tête de métèque là. S'il vous plaît, monsieur. Hein? S'il vous plaît, oui, vous monsieur là-bas. J'arrive là. Ça a bougé là. Ouais, je voudrais savoir si je peux travailler chez toi, s'il te plaît. En l'occurrence, si c'est possible, hein, je serais pas abus, quoi. Écoute-moi bien, espèce de petit connard. Si tu veux travailler chez moi, tu vas d'abord apprendre à me vouvoyer. Personne ne me tutoie. Je connais, moi. Hein. Écoute, je fais la guerre de l'Algérie, j'ai connu ton père. On a tous les mêmes. Voilà. Il faut savoir cuire du raisin aussi. Tu débrousses des chèvres sans doute. Mais cuire du raisin, c'est pas pareil. Il faut savoir tenir un sécateur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire comme du travail chez vous là pour travailler là pour, je voudrais juste savoir quoi, c'est. Qu'est-ce qu'on fait? Travailler. Quand je te regarde, ouais. T'as une bonne tête, toi. Tu dois travailler souvent, ça, j'en doute pas. Écoute-moi, mais j'ai pas envie que tu aies des ampoules dans les mains. Tu comprends, hein, si tu manipules le sécateur toute la journée. Alors, je pense que tu pourrais peut-être écraser le raisin dans les seaux. Ça, vous savez bien faire ça chez vous en Afrique, là. Les femmes qui bilent le manioc, là. J'ai vu le reportage à la télé il y a pas longtemps. Toi, tu peux faire, non? C'est dans tes cordes, ça, ouais, non? Vous avez pas hein, quelque chose, je sais pas, plus kiffant que, je sais pas, écrase du raisin, là, ça, moi, je sais pas trop, ça me dit des masses, quoi. Vous avez pas des trucs plus... Des trucs plus quoi? Ça fait 2 minutes que tu es là, et déjà, tu te prends pour un petit roi, un prince du désert. Ici, dans le vignoble, c'est moi, le chef, moi! Je m'excuse, hein, je voulais pas manquer de ton respect, quoi. Non, t'as pas que le nord amour. Bon, écoute... Écoute, moi, je vais te mettre à la trieuse. La rieuse? À l'aise, moi ça m'intéresse, hein. Carrément, ça m'intéresse plus que, je sais pas quoi, là, craser les raisins dans des pots, là. Moi, je veux bien rier les raisins, quoi. C'est Schnitt, la rieuse. Mais qu'est-ce que tu imagines? Tu crois que t'es ici pour rigoler? C'est Schnitt, la trieuse, c'est la rieuse. À l'aise, moi, c'est trop ça que je veux faire. Je voudrais faire de la rieuse, monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'as à rigoler, abruti? Moi, je te mets donc à la rieuse. Tu vas voir, c'est pas compliqué. D'un côté tu mets le vert, de l'autre tu mets le noir, c'est comme ça. Mais il faut pas que tu louches comme un babouin d'Afrique. Tu mets bien le raisin dans chaque cuve, t'as compris? Comme toi là, j'aime pas trop ton style là, comment tu me causes là, fils de pute en chaleur là. Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu me traites toi? Je suis un babouin moi, c'est ça? Ça, je suis un babouin fils de pute. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh! What? Moi, je suis un fils de pute? Attends, moi, je vais te traîner ta gueule de macaque par terre moi, tu vas voir. Fais de la frotter, ta sale petite gueule! Fils de pute! Comme là, voilà! Dégage, je me touche pas, ça me rend nerveux, toi, je vais te sac-ma, toi, sérieux, hein, la vie de ma mère, je te jure, toi, je vais te casser ta race en deux, quoi! Hop, mais tu m'as pris pour une danseuse ou quoi? Tu m'as pris pour quelqu'un que. Pour une gonzesse, quelque chose qu'on peut taper comme ça facile, comme ça, maman, là? Fils de chien, va, fils de bâtard, va! Vas-y, t'approches plus, là, sinon je t'en colle une, quoi! Tout pécha, on a un temps pour que le Noramour, l'espèce de sale bougnoule, moi, je vais te montrer comment elle marche, sérieuse! Je te fous ta gueule dedans, tu vas voir, ça va nous faire un grand connard, mille et demi, pour